totem. Quoi? Eh, vous faites quoi là? Vous êtes mort ou quoi là? Écoute, amour, t'es mort, vas-y. Je t'entends plus. Eh, vous faites quoi? On taffe, hein, on taffe. Franchement, votre premier album, c'est de la boucherie. Hein. Ouais, merci. Ah, j'espère que vous allez nous faire un bête d'album, hein, le deuxième album. Ah, qu'est-ce que tu crois, ma gueule? Bitume, hein. Qu'est-ce que tu crois? Nous, okay. On n'est jamais vaincu, mon pote. Qu'est-ce que tu crois? Oh! Oh! On n'est jamais vaincu. Parce qu'on a la rage, rien qu'on carbure. Parce qu'on vient de loin, tout fait d'air pur. Qu'on respire enfin, qu'on a la dalle. Je te l'assure, jamais vaincu. Parce qu'on a la rage, rien qu'on carbure. Parce qu'on vient de loin, tout fait d'air pur. Qu'on respire enfin, qu'on a la dalle. Je te l'assure, jamais vaincu. Je naquis à la fin des 70s, à la mort des Bee Gees. On n'est jamais vaincu et ça, il fallait bien qu'on te le dise. Ceux qui nous pénalisent sont loin de se douter que nous sommes pas que des incultes. Qu'on n'est pas des imprudents, gravant nos mères pour un cul. Gars, je fais tout pour éviter ta potence. Ton ostensité m'agace, car il faut que tu paies pour tes atrocités. Tant qu'on subira ta misère, on sera sollicité. C'est pas à coup des heures que l'autre facho polonais nettoiera nos cités. Viens visiter nos quartiers, c'est coloré et chaleureux. Y'a plein de vérités, mais y'a trop de malheureux. Jamais on savoura vaincu, on pense qu'à gonfler nos pécules. Sans taper dans ta sécu, car c'est tout ton système qu'on récuse. Hey, grosse pute, on t'a dessus, sans faire ma dessus, j'ai fait ma sup. Écoute, le cri d'un habitant qui s'en tape des dilettantes. Tu connais mon hymne, tu connais ma souffrance. Tu connais ma team et j'ai pas vu ta souffrance. Parce qu'on a la rage, rien qu'on carbure. Parce qu'on vient de loin, tout fait d'air pur. Qu'on respire enfin, qu'on a la dalle. Je te l'assure, jamais vaincu. Parce qu'on a la rage, rien qu'on carbure. Parce qu'on vient de loin, tout fait d'air pur. Qu'on respire enfin, qu'on a la dalle. Je te l'assure, jamais vaincu. Parce qu'on aime donner des ailes à nos projets. Certains frères trouvent le clandestin plaisir dans le clan de Campbell. Tu sais que l'inspi me vient après ce tour du péri. Voilà pourquoi je laisse une arme sur la scène du crime. De l'arthrite plein les doigts, je dédie cette rime à Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm et Nelson Mandela. Certaines choses ne s'achètent pas comme l'honneur. Pourquoi faut-il qu'une figure noire meure pour qu'on lui rende hommage sous un ciel grisonnant comme les cheveux du vieux? Je respecte la rue et ses règles de feu. Mais de nos jours, frôlo, tout est violent. De mes rapports intimes jusqu'à ma conduite au volant. J'ai ce message de courage pour toutes ces mères qui se cassent le dos à faire des ménages. Voilà, et que mérite plus que ça. Rescapé d'un naufrage judiciaire, la tonne de rêve plein la tête. Jamais vaincu, même sous la contrainte du pistolet. Parce qu'on a la rage, rien qu'on carbure. Parce qu'on vient de loin, tout fait d'air pur. Qu'on respire enfin, on a la dalle. Je te l'assure, jamais vaincu. Parce qu'on a la rage, rien qu'on carbure. Parce qu'on vient de loin, tout fait d'air pur. Qu'on respire enfin, on a la dalle. Je te l'assure, okay. Jamais vaincu. Jamais vaincu parce que Schwarzy n'a pas épargné Tuki. Faut que tu bouquines car la férocité blanche devient une routine. Dans ce contexte épineux, les victimes de Poutine savent que c'est pas un jeu. Ils tranchent des têtes sur nos portables, alors pourquoi tu nous accables? Les plus belles émotions se trouvent dans la souffrance. C'est pour ça que la France vit dans la nostalgie coloniale. Une belle pointe de salopards, ceux-là qui bafouent notre histoire, nos buts. Donc ils se barrent avant que ça brûle. Gros sur banane, tu sais qu'une balade peut finir en banane. Tout est ralame dans les palabres de l'esclavage mental. Que faire devant une bande de malades qui baratinent les cours primaires? Y'a pas de jeunes inertes, mais que des futurs pères vénères. Pour ça, ne mélange pas la rue et le show business. Y'a trop de lèche-queux qui nous parlent avec leurs fesses. La vie est une fatalité parfois. Jamais vaincu, la dernière marche de Sean Payne m'a fait retenir cette larme. Jamais vaincu. Parce qu'on a la rage, rien qu'on carbure. Parce qu'on vient de loin, tout fait d'air pur. Qu'on respire enfin, on a la dalle. Je te l'assure, jamais vaincu. Parce qu'on a la rage, rien qu'on carbure. Parce qu'on vient de loin, tout fait d'air pur. Qu'on respire enfin, on a la dalle. Je te l'assure, jamais vaincu.